بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحاول هذه الليلة أن نختم هذا الباب باب الجنابة إن شاء الله تعالى on va essayer cette nuit de finir le chapitre de la janaba إن شاء الله تعالى le cours numéro 30. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه رواه الجماعة إلا أحمد. Selon Aïcha radiallahu anha, qui dit, je lavais la janaba. Ce qui est voulu par la janaba ici, c'est le liquide spermatique. Donc, je lavais le liquide spermatique des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sortait comme cela à la prière. Et il sortait comme cela pour la prière. Et certes, les traces du lavage, donc les traces lavage, de l'eau qui était apparente, était sur ses vêtements. Et dans une narration de, dans le recueil de Muslim, certes, je frottais, kuntu afruku, je frottais, donc, je le frottais, le liquide spermatique, je le frottais sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il priait comme cela. Et il priait comme cela. Ikhtalafa al-ulama fil menin, et tahirun huwa awla. Les savants ont divergé concernant le liquide spermatique. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est pur? Ou est-ce qu'il est impur? فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى نجاسة المني واستدلوا بهذا الحديث بالرواية التي فيها ذكر الغسل. Et donc, l'imam Malik et Abu Hanifa, ils voient que le liquide spermatique est impur. Et ils se sont appuyés sur ce hadith, le hadith de Aïcha, par les narrations dans lesquelles est cité le lavage. Dans lesquelles sont cités le lavage. فَكَلُوا كَوْنُوا عَيْشَا تَغْسِلُهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ نَجِسْ. Ils ont dit le fait que Aïcha, elle va laver le liquide spermatique des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est une preuve que celui-ci est impur. Sinon, elle l'aurait laissé. Elle ne l'aurait pas lavé. واستدلوا ايضا بكون المني يخرج من مجرى البول والمذي وكلاهما نجسان. Et ils se sont aussi appuyés sur le fait que le liquide spermatique il va sortir par les mêmes voies, par la même voie que l'urine et le liquide préséminal, et les deux sont impurs. Le liquide préséminal et l'urine sont tous les deux impurs. Ils disent le liquide spermatique va donc sortir de cette même voie. Lui aussi, il est impur comme les deux autres. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن المني طاهر واستدلوا بهذا الحديث بالرواية التي فيها الفرق. L'imam Ahmed ainsi que l'imam al-Shafi'i, eux, ils voient que le liquide spermatique est pur. Et ils se sont appuyés pour, par ce même hadith. Mais la riwaya, la narration, qui stipule que Aïcha, elle l'a frotté. Et pas qu'elle l'a lavé. Fayakulun. Quand on a Aïcha tafrukuhu, wa la tarsiluhu, dalilun ala annahu tahir. Li annahu law kana najisan, li lazimal ghasl. Ils disent le fait que Aïcha, elle l'a frotté, et qu'elle ne l'a pas laver, c'est une preuve que c'est pur. Parce que si le liquide spermatique, il était impur, il aurait été obligatoire à Aïcha de le laver. Et le prophète, il n'aurait pas prié comme ça. Le prophète n'aurait pas prié comme ça. Parce que le fait de frotter ne suffit pas. Le fait de frotter ne suffit pas pour faire partir toute l'impureté. Comme c'est le cas de l'urine ou autre. Le fait de frotter ne suffit pas. وكذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. ils se sont aussi appuyés de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad karramna bani adam, certes nous avons honoré les enfants d'Adam. Elle est où la preuve ici? Wa laqad karramna bani adam, certes nous avons honoré les enfants d'Adam. Elle est où la preuve? Et takrim. Ils ont dit kayfa yuqal أن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم وأصل خلقتهم من شيء نجس. Comment dire que Allah تبارك وتعالى a honoré les enfants d'Adam alors que la base de leur création vient d'un élément impur? Parce que à la base, Adam, il a été créé de terre. Eden. Mais nous, on a été créés de liquide spermatique. Attention. Notre base vient de la terre. Pourquoi? Parce que notre père, Eden, lui, il a été créé de terre. Mais tous ceux qui viennent après Eden, leur base, c'est le liquide spermatique. Ils disaient ça, donc, est-ce que cela, c'est du takrim? Est-ce que cela, donc, c'est le fait d'honorer les enfants d'Adam? النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل المخلوقات. Le prophète صلى الله عليه وسلم qui est la meilleure des créatures aurait été créé d'un élément impur? Ils disent non. Et le hadith de Aïcha montre clairement que cela est que le liquide spermatique est pur et qu'il n'est pas impur. فقالت العلماء إذا كان والحديث هذا يدل على استحباب غسل المني إذا كان رطبا. Et donc ce hadith il montre que il est recommandé de laver le liquide spermatique lorsque celui-ci est encore humide. Il est recommandé de le laver. وأنه يفرك إذا كان جافا. Et que il est frotté s'il est sec. Mais il n'y a pas dans ce hadith une preuve qui montre que le liquide spermatique est impur. وأيضا استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني وفي مصنف ابن أبي شيبة أنه قال إنما هو بمنزلة النخامة والبزاق أمته عنك. Et donc ils se sont aussi appuyés sur par la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui est dans le recueil de Darqutni, et aussi Ibn Majah. Ibn Abbas qui dit, le liquide spermatique est comparable à la glaire, le liquide spermatique est comparable à la glaire et à la salive que tu craches. Comparable à la glaire et à cette salive que tu craches. Retire donc ce liquide spermatique avec une serviette ou autre. Et donc Ibn Abbas, il te dit que en fait ce liquide là, il le retire de la même façon qu'il retire de la salive ou de la glaire. La glaire, c'est pas impur, mais ça ne te fait pas forcément plaisir de te promener avec un bout de glaire sur ton vêtement. Et donc tu vas le retirer, mais ça ne veut pas dire que c'est impur. Est-ce que si tu as ça sur ton vêtement pendant que tu pries, est-ce que ça veut dire que tu dois le retirer pour passer à la authentique? On va te dire non. فَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Mais donc cet avis est l'avis le plus juste. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ. Et c'est aussi l'avis de plusieurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Saad ibn Abi Waqqas et d'autres. الحديث الثاني الذي نراه هذه الليلة. Et donc le deuxième hadith qu'on va voir cette nuit, et c'est l'avant-dernier hadith dans le chapitre. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أبي هريرة رضي الله عنه, il dit donc que le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit: lorsque l'homme s'installe entre les quatre membres de la femme, puis fait des efforts avec elle, alors le roussel est obligatoire. Ce qui est voulu donc par là, c'est le rapport. رأينا سابقا أن خروج المني من موجبات الغسل. Nous avons vu précédemment que la sortie du liquide spermatique fait partie des conditions ou des causes qui vont rendre obligatoire le ghusl. À partir du moment où le liquide spermatique est sorti, le ghusl devient obligatoire à la personne. وهذا الحديث دليل على موجب ثاني وهو دخول الذكر في الفرج. Et ce hadith est une preuve montrant une deuxième cause impliquant le ghusl. C'est le fait que le pénis de l'homme va donc rentrer dans le vagin de la femme. وجاءت رواية في صحيح مسلم صريحة بذلك. Il y a une narration dans le recueil de Muslim qui est claire en cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. Si l'homme s'installe entre les quatre membres de la femme, puis fait des efforts avec elle, alors le ghusl est obligatoire, même si il n'y a pas eu de sortie du liquide spermatique. Même si il n'y a pas eu de sortie du liquide spermatique. لكن هل يجب الغسل إذا دخل الذكر كله أو بعضه؟ Cependant, est-ce que le ghusl il est obligatoire lorsqu'une partie du pénis de l'individu elle est rentrée, ou il faut que ça soit tout le membre qui soit rentré? Est-ce qu'une partie du membre suffit, ou alors c'est tout le membre? El jawab fi hadith Aisha alladhi akhrajahu Malik fi al-Muwatta wa at-Tirmidhi fi Jami'i annaha qalat idha massa al-khitan al-khitana faqad wajaba al-ghusl. La réponse à cette question, elle est donc dans le recueil de l'imam Malik et aussi le Jami' de Tirmidhi et autres. Le hadith de Aisha radhiyallahu anha qui dit: lorsque le el-khitan, donc le lieu de circoncision qu'il y a chez les parties de l'homme, le lieu de circoncision est rentré en contact avec le lieu de circoncision de la femme, alors là le ghusl il est obligatoire. Ce qui est voulu par là, al-muradu bi dhalika an tarib al-hashafa. Ce qui est voulu par là, c'est que, comme ils disent les savants, à partir du moment où le gland de l'homme a disparu, on ne le voit plus, à ce moment-là, le ghusl il est obligatoire. À ce moment-là, le ghusl il est obligatoire, comme on peut le comprendre donc dans le hadith de Aisha radhiyallahu anha. Wa hadha al-qawl huwa qawl jumhur al-ulama. C'est l'avis de la majorité des savants. Les quatre imams, ainsi que Ibn Hazm. C'est l'avis aussi de Ibn Hazm. وذكر العلماء أن بعض الظاهرية قالوا بوجوب الغسل من خروج المني فقط. Et les savants ils ont cité que certains du madhhab zahirite, et ce qui est voulu par là c'est Daoud al-Zahiri. Daoud al-Zahiri il voit que il n'est obligatoire de faire le ghusl que si le liquide spermatique est sorti. Si le liquide spermatique n'est pas sorti, il n'y a pas d'obligation de faire le ghusl. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve de Daoud? On l'a déjà cité. Innama al-ma'u min al-ma'. Certes, il n'est imposé d'utiliser l'eau que par la sortie du liquide spermatique. Certes, il n'est imposé d'utiliser l'eau pour le ghusl que par la sortie du liquide spermatique. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on va répondre à ce hadith? Comment est-ce qu'on va répondre à ce hadith? La parole elle est générale. جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. أبي بن كعب رضي الله عنه il cite que cela c'était au début de l'islam. C'était au début de l'islam, il ne fallait donc faire le ghusl que si le liquide spermatique était sorti, mais qu'après cela a été abrogé. Cela a été abrogé par la suite. Et d'ailleurs, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui dit que elle, donc, Aïcha qui dit, qui stipule que, à partir du moment où le gland de l'individu a été caché, cela suffit, cela est une preuve très forte. Il y a une version qui montre même, Aïcha a dit, je l'ai fait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons fait le rousse tous les deux. Et nous avons fait le rousle tous les deux. Et donc, l'avis le plus juste est qu'il est obligatoire de faire le rousle à partir du moment où il y a eu rapport, même si l'âme, même si l'homme n'a pas fini. Même si l'homme n'a pas fini. Il est obligatoire aux deux. Il est obligatoire aux deux. Wal hadith al-akhir. Le dernier hadith, an Abi Ja'far, Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم. Et donc dans ce hadith, Abu Ja'far, c'est-à-dire Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Abi Talib, qui était lui et son père, donc Muhammad ibn Ali et Ali ibn al-Hussein, les deux donc qui étaient chez Jabir ibn Abd Allah رضي الله عنهما, alors qu'il avait des gens chez lui. فسألوه عن الغسل. Ils l'ont interrogé concernant le rousl. Il a dit, sa'un yakfik. Il a dit, un sa' te suffit. Concernant le rousl, il a dit, un sa' te suffit. C'est quoi un sa'? Combien? Non. Quatre. Arba'at amdad. Quatre fois, les deux mains pleines, comme ça. Un sa'. Alors, fais quoi les rajouloum? Hada la yakfini. Il y en a un, il a dit, ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Jabir, il a dit, kena yakfi, man huwa awfa minka sha'ran, wa khayrun mink. Il a dit, cela suffisait à quelqu'un qui a de plus longs cheveux que toi, et qui est mieux que toi. Yuridu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il veut par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le prophète, il faisait son rousl avec un sa'. Ja'a fi sahihayn an Anas ibn Malik radiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Dans Sahihay, Anas ibn Malik qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions, avec un moud. Avec un moud. Il faisait le rousl avec un sort, c'est-à-dire quatre mouds. Voire cinq mouds. Nous, on en a combien des mouds? Ça se compte plus, hein. Et donc, وهذا الحديث قالت العلماء هذا الحديث دليل على كراهية التنطع والإسراف في الماء كما قال ابن حجر رحمه الله. Ce hadith est une preuve montrant le caractère détestable de faire du gaspillage et d'exagérer concernant l'eau. Nous devons faire attention. On fait l'expérience. On essaie ce soir de voir si on arrive à faire les ablutions avec un moud. On regarde si on peut le faire. Comme ça, cela va nous inciter, Inch'Allah, à diminuer à chaque fois. Tu laisses couler. Prends un récipient. Le fait de laisser l'eau couler comme ça, c'est ça qui te fait gaspiller. Prends un récipient, tu mets l'eau dans le récipient, et là, tu mets ta main dans le récipient. Là, tu verras qu'avec un moud, tu peux le faire facilement. Avec un mood, tu peux le faire facilement, si l'eau est dans un récipient. On va arrêter là pour ce soir, Inch'Allah, et on reprend la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.